Cause my café d'eau. 3, 2, 1, stop. C'était de Radio France, en lequel ce moment d'une vie vivante exceptionnelle ne pourrait avoir lieu. Pour les vœux, ce sera à la semaine prochaine, mercredi 15 janvier 2006, avec Aston Villa, Jacques Van Wouter et Géronimo. Voilà, bonne fin d'année à tous, bon réveillon, restez bien à l'écoute de France Inter, en compagnie de Julien Demi-Fiori, bonne soirée, Julien, vous embrasse. Salut Isabelle, pour les poussins, eh bien nous sommes deux et bien bravo pour nous avoir servi sur un plateau d'acteurs pour cette dernière de l'année 2005, cher à notre cœur. Tout un peuple d'une ville descendre dans la rue comme aujourd'hui. Parce que tous les habitants du quartier, descendus dans la rue, de Bouilly, de Trottoir jusqu'à la chaussée, tant pis. Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme, un ami aimé et non. Et bonheur à tout le monde et encore plus aux fidèles auditeurs de nos rendez-vous hebdomadaires. Les grands feux d'artifice de Versailles, grande époque Louis XIV, ne sont rien comparés à ceux lancés depuis notre somptueux studio 72, transformé en bassin de Neptune. Ce n'est pas l'eau de Marly qui coule dans la bouche des sirènes et autres tritons en folie, mais du champagne avec des bulles de notes bleues. Et ce soir, les invités sont les premiers à vous souhaiter une superbe soirée en compagnie des amis qui vous sont chers. Et à vous tous, bien sûr, bonne année. Effaçons toutes les musiques sans charme. Soyez les bienvenus. Bonheur à vous tous et que vive la musique. All right, Marky. Bienvenue sur Cosmic Cassette numéro 21, on vient d'écouter Oligarchy Part 2 de Somaticae, mélangé avec quelques extraits de cassettes trouvées, de radios enregistrées, de Nouvel An parce que c'est la nouvelle année. J'espère qu'elle portera chance. Comme l'a dit le présentateur de France Inter. Du coup c'était Oligarchy, c'est une cassette qui se vend chez In Paradisum. C'est Oligarchy, c'est Somaticae de Villeurbanne. Je crois que ça a été édité en 2016 et c'est une cassette qui se vend en solidarité, enfin en soutien à la caisse de solidarité. pour aider les gens qui ont des problèmes avec la police. Et voilà, et j'ai passé cette cassette en hommage à la soirée Silo qu'il y a eu à la cabine le 6 janvier dernier, où il y a eu la police qui est intervenue à grands coups de bélier. C'était sympa pour commencer l'année. Du coup, dédicace, et je passe tout de suite une chanson de Tôle Froide, évidemment, Police Nationale, qui est sorti chez AB Records en 2017. Et voilà, un bonjour aux filles de Tôle Froide, exilées de Lyon. Salut. À plus. Tôle Froide. Et maintenant c'est Toto Coelho avec I Eat Cannibals. J'adore ce titre. Sorti chez Virgin en 1983. Et j'ai trouvé cette cassette à Pau à 2017 à Emmaüs. You're right. You're My Kind of Meat. Maintenant on va passer à Generation Basura, un groupe andalou, je crois. Je sais pas si ce groupe il est vraiment andalou. En tout cas, ce label c'est Andalusia Uber Alles. Et c'est sorti donc en 2017 dans ce label. Et c'était un split avec Repulsion. Et c'est un groupe que j'avais vu au Tutu. C'était une soirée punk. Il y avait eu un petit pogo tout gentil. C'était sympa. Et voilà. Et du coup, on va passer à complètement autre chose. Une cassette ça me semble être un truc religieux et chrétien en fait. Dur à prononcer, ça s'appelle ça s'appelle Radio Jungdor Kerk Zonder Grenzen. Ouais, trop dur à dire. Et la chanson c'est Etlicht Kommt. Mais j'adore, c'est super, c'est du rhythm and blues, un peu super kitsch même. Oups. Don't be kid cassette. En 1989, c'est autoproduit, c'est une sorte de radio, je crois. Voilà, la pochette est trop bien, c'est fait sur Paint quoi. Il y a des pixels là, c'est trop beau. C'est une porte qui s'ouvre sur un paysage montagneux, mais bon, enfin, c'est abstrait quoi, limite. Et c'est Lucien qui m'a filé un Victorinier à Lyon 2007. Merci Lucien. Kosumetsky Kazeta. c'était Tibia avec Désolé, tu m'excites trop. Et du coup, bah, c'est Scarlatine qui publie ça, enfin quoi, qui a publié cette version-là sur une compilation qui s'appelle Mes compliments compilés numéro 3. Et voilà, Scarlatine a fait plein de compiles, trop bien, de post-punk et tout. Et bah, on peut les trouver souvent sur les merch des concerts de Tôle Froide. Voilà, et du coup, ben, c'est cool. On va passer à Schlag on the Beach, une chanson du groupe Schlag, enregistrée, enfin quoi, produit à Grenoble chez Four 4 en 2017, je suppose, sur la compile Synthétiseur 2 que j'ai acheté au label Market Jaquette et Diamant en décembre 2017 à la bibliothèque municipale de Lyon. Pardieu, yo! Monsieur l'agent, non j'ai pas billet, mon chien non plus, il a pas de papier, mes jambes sont pas motorisées, elles peuvent juste un peu t'esquiver. Ils me vendent ma survie, mes besoins, ils aiment me braquer, me mettre en chien. Faut payer pour manger et bouger, faut même raquer pour aller travailler. Dès qu'ils me disent tu as payé cher, je m'en fous, je suis à découvert, amène la police ferroviaire, je leur donne ma salive en enfer. Nique ton ADN, cherche pas mon blast, pas la peine. Nique ton ADN, cherche pas mon blast, pas la peine. Chasse le contrôleur, chasse le contrôleur. Trauma le chasseur, trauma le chasseur. Fait qu'il passe un sale quart d'heure, passe un sale quart d'heure. Et ramène ton 4 heures, ramène ton 4 heures. On t'invite à un goûter avec tous les schlags motivés. SH, SHLAG. Angoisse vigile, je lis pas l'évangile, je lis pas l'évangile. Shoot le manager, shoot le manager. Et Condé dans le viseur, Condé dans le viseur. On t'a bricolé un son sale qui appuie où ça fait mal. Mise en sonore délavée et ma culotte ensanglantée. Oh, j'ai me baigné dans ma crasse, même quand mon odeur te brasse. Ma douche était dans ma dérou, je me sens propre à ma manière. Je fais gaffe à mon atmosphère, j'ai pas toujours les idées claires. Je brille des fois, je dégénère. Un gros big up à ma grand-mère. S-H-L-A-G. S-S-S-H-H-H-S-H-L-A-G. Boulez le bolos, boulez le bolos. Roulez le relou, roulez le relou. Bavez les bobos, bavez les bobos. Soyez mon bobo, soyez mon bobo. Tu demandes encore mon numéro, je place ma mooncap sur ton bigo. Si t'insistes, je te défigure, tu sentiras l'huile de friture. Tu vas comprendre ma vraie nature, mon kick n'est pas une imposture. Je te ferai voir, tu fais les 40 quand je me vénère, non je suis pas marrante. Vas-y, dégage, tu me plais pas, je fume ma clope, vire de là. Trouve un standard, arrête-toi, je viens pour te casser les noix. J'arrive en flamme, je zone sur les déflores. J'aime pas voir où ta tête dans le décor. Vas-y, bouge, j'arrive pas à danser. T'es pas lourd, j'peux pas m'ambiancer. Y'a que ta pierre, t'arrives à faire monter. Pas besoin de toi pour apprendre à zooker. Si c'est pas toi, c'est pas tes strats non plus. J'te vomis dessus et tous tes potes inclus. J'ai de la barbe et j'aime me maquiller. J'ai une meuf et j'aime pas m'épiler. Tu me comprends pas, tu veux vraiment me saigner. À quoi ça sert de vouloir me caser? Appelle-moi monsieur, ça va pas me gêner. Si la question c'est mon identité, ouais après tout, je fais ce qui me plaît. Je suis débile quand je l'ai décidé. Laisse-moi le choix, mes poings sous les bras. Laisse-moi mettre ton pointé quand ils ont froid. Laisse-moi me toucher toute seule sous mes draps. L'avenir de mon cul m'appartient, c'est comme ça. Si je vis, il tangue, il danse, il twerk. Je peux t'inviter, je peux faire sans ou avec. Tu m'appelles castratrice. C'est pas des prix que je maîtrise. C'est bien mes choix que j'écrise. Mon corps que je traîne à ma guise. SH SHLAG. Angoisse et vigile. Angoisse et vigile. Je dis pas l'évangile. Je dis pas l'évangile. Shoot le manager. Shoot le manager. Et Condé dans 10 heures. On n'est pas révolutionnaire, juste une grosse crise parasitaire. Un truc qui gratte de haut en bas. C'est pas la gaz, c'est pire que ça. Ton rap est conscient, le nôtre indécent. Mon flow est méchant, tu me touches, je descends. quartier. Boulez le bolos. Boulez, boulez le bolos. Boulez, boulez le relou. Boulez, boulez le relou. Baffez les bobos. Baffez, baffez les bobos. Soignez mon bobo. Soignez, soignez mon bobo. Ponce, ponce RSA. Ponce, ponce RSA. Commande des pizzas. Commande, commande des pizzas. C'est l'État qui paiera. C'est l'État qui paiera. Nick, l'État qui paiera. Nick, l'État qui paiera. Chasse, chasse le contrôleur. Chasse le contrôleur. Trauma le chasseur. Trauma, trauma le chasseur. Fais qu'il passe un sale quart d'heure. Passe, passe un sale quart d'heure. Et ramène ton 4 heures. Ramène, ramène ton 4 heures. On t'invite à un goûter avec tous les chats motivés. Jim Hamby ou Cassette. Aujourd'hui, Cassette G. Cosmic, mais Cassette. Cosmic, Arietta. C'est Schlag, c'est du, la trappe de meuf vénère sur cassette. Ouais, pour 4, Grenoble. Et là, c'est un petit extrait de 5 secondes DJ Casse-Croûte. Ville franche de Rouergue. Qui marche. Youhou. Alors, tant pis, je suis chiant. Do you want to go on the mountains with me? Dédicace croûte 5 secondes extrait Villefranche de Rouergue produit, enfin en tout cas par Thomas Thur de Villefranche de Rouergue hors cadre et Agrafe Prod en 2014 sur la cassette Raffinement et Crevaison, un split avec un mec qui s'appelle Une Gencive, n'importe quoi vraiment la cassette. Et là c'est Dan Deacon, en fait c'est son premier CDR. Mais j'ai la cassette. La cassette a été rééditée en 2011. yıllara ile karıştırılmıştır. Ça s'appelle Song for Dina et c'est donc en fait une compile, c'est tiré d'une compile qui s'appelle Metal Mice et que j'ai acheté sur le web chez Carpark Records. C'est une compile des titres qu'il avait fait à l'école. Et là, je suis trop content d'avoir ça. C'est Commando Coco qui me l'a filé en personne pendant que je mixais à la cabine. Et c'est une super cassette qui est trop belle. Inspirée par le nouveau détective, le magazine. Une pochette trop classe. Il y a un gars, je crois que c'est Commando Coco, je suis pas sûr, en uniforme, avec un synthé à la place d'un gun, et qui dit « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Et voilà, c'est trop marrant. Et cette chanson, c'est Inda Supermarket. Et comme d'habitude, ça défonce. Danser dans les supermarchés hein. Coco. sur Cosmic Cassette. Du coup, c'était sorti chez Amor, qui sont basés à Oulin. Voilà, et puis maintenant, on va terminer l'émission avec 4 morceaux. Voilà, je pense que l'émission allait durer un peu plus longtemps, mais en fait, non. J'ai prévu que ça. Et du coup, il y a 4 derniers morceaux. Bon, il y en a quand même encore. Donc, le prochain, c'est sorti chez Social Harmony en 2017. C'est une réédition de Zimbo Tape 1982. C'est Slower a Soul de Guérin et Médecin. Un petit kiff comme ça, un peu doux, tranquillou, zarbi. Cassette sur la cassette Bassy, voilà, que j'avais chopé sur internet juste parce que j'avais vu l'air super pochette de chez Social Harmony chez Antoine Aubert alors qu'il habitait encore à Lyon, parce que maintenant il est parti, je sais pas si vous êtes au courant. Bah il revient des fois. A broadcast mixed with cassette. Prochain morceau, c'est le morceau Pretty Girl de Clairo, qui est sorti sur cassette chez Father Daughter Records en 2017. Ouais, pas longtemps quoi, c'est aux États-Unis, sur une compil qui s'appelle The Lucid Volume 3. C'est mon pote Julien qui m'a envoyé la vidéo que cette fille elle avait fait pour sa chanson quoi. Voilà. Une vidéo sympa quoi, une vidéo mignonne, c'est assez bizarre dans un sens. Enfin voilà, elle dit que elle raconte que qu'elle voulait plaire à quelqu'un quoi, et puis qu'après elle s'est rendu compte avec le temps quoi que ça va à rien de plaire à quelqu'un, il fallait d'abord se plaire à soi-même. Une grosse avancée psychologique. Du coup voilà, elle se trouvait moche et tout le monde sur YouTube il dit mais non t'es pas moche. Parce que c'est ça YouTube aussi, c'est la solidarité des gens envers les filles qui se trouvent un peu moches et qu'en fait ils sont pas moches. A broadcast produced with tapes. A broadcast produced with cassettes. Une émission fabriquée avec des cassettes. Thank you. Ah merci Cléro, mais non t'es pas moche. Et ouais bon c'est sympa ce qu'elle fait, voilà. Et sinon qu'est-ce que je veux dire? Ouais bah voilà, je vais annoncer les deux derniers morceaux. Donc il va y avoir un morceau de Amalia Rodriguez que j'ai trouvé à Emmaüs sous les conseils de Henri, un ami qui m'a dit prends-le, c'est bien. C'est voilà, c'est un peu la reine du fado. Et c'est une cassette. Enfin, c'est une compile en fait. Le morceau que je vais mettre, c'est peut-être pas le plus représentatif, quoi. C'est le morceau le plus enjoué, le plus dansant. C'est quand même d'habitude, d'après ce que j'ai entendu, quoi. En tout cas, c'est quand même d'habitude un peu plus bah, mélancolique, tu vois. La saudade, quoi. C'est un peu dur à traduire, hein. Tout le monde a compris que c'est un peu dur à traduire. Du coup, je vais pas essayer. Mais ce morceau, il est vraiment cool et il est très court aussi. Et puis, pour finir, on aura. Deria Yildirim avec groupe Chimchek qui est sorti chez Bongo Joe et Catapult Records en 2017 à la base. Et en fait, la cassette de ce maxi, c'est un maxi 4 pistes, 4 pistes, ouais, enfin 4 titres quoi, qui a été réédité en cassette par Pignon Tape. Et du coup, je vais passer un morceau de cette cassette, le morceau Davet. Et voilà, Bongo Joe à Genève, super disquaire et Catapult Records, un label ben, londonio, je sais pas comment dire, un truc du coin, enfin du coin de Lyon, plus ou moins de la campagne, et en même temps de Londres, enfin bon, des gens qui. Et aussi de, d'autres endroits, de Bretagne, je sais pas où, mais des gens qui font de la musique comme des grands, quoi, un peu, de la soul et des trucs. Enfin, du garage, des trucs, enfin, des producteurs un peu de musique à l'ancienne, plutôt classe quoi. Et voilà, derrière, je l'ai vu trois fois, il me semble, et la première fois, je m'en suis même pas rendu compte, c'était la veille de mon départ à New Orleans, au Jazz Club à Lyon. Ciao, bisous, à bientôt, il y aura des invités prochainement, et des nouvelles cassettes et tout ça quoi. Voilà, nouvelle saison 2018, Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. Papai grande Maria, Maria foi passear. Papai grande Maria, Maria foi passear. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. Maria é moça nova, solteira não tem juízo. Maria é moça nova, solteira não tem juízo. Os passeios de Maria só podem dar prejuízo. Os passeios de Maria só podem dar prejuízo. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco de pedir pinha, cunhaco no coqueiro, olirá. No coqueiro, olirá. No coqueiro, olirá. No coqueiro, olirá. No coqueiro, olirá. Lucy avec des cassettes. Bir yayın bantları ile karıştırılmıştır. Mit einem Rundfunkbänder gemischt. Mit einem Rundfunkbänder gemischt. Dört nala gelip uzak Asya'dan Asya'dan. Thank you. try the game yourself. Oh, yeah.